douce. Si la vallée sanglote du vent de l'arme, puis violence, ça va de pair. Le feu forme un complot, ça saute aux yeux, sadomaso, fait pour la pelle. Les gens là-haut, tu t'en rappelles, et les enfants en tourbillon, dans un palais de papillons, la vraie vie, la belle. Allez, viens, qu'on s'y frotte, ma colombe. Ma cocotte, les vallées ont des charmes, allant des larmes. Vie, violence, ça va de paix. Je suis bon, non, non, non, non.